Radiomatic. Le duo péruvien Dengue Dengue Dengue se chargeait de lancer la transmission 258 d'Audiomatique avec sa nouvelle pièce Agni qui apparaît sur le tout nouvel album intitulé Zénith et Nadir dont la sortie officielle est prévue la semaine prochaine, soit le 4 octobre. Soulignons que ce nouvel album met en valeur les percussionnistes du projet Bayoum Brosio, ce qui apporte un côté plus organique à la musique de Dengue Dengue Dengue, notamment à travers l'utilisation du cajón, un instrument percussif issu de la culture afro-péruvienne. Les sonoristes sont heureux de vous accueillir pour cette transmission d'Audiomatique. Pour nous joindre, pour peu importe la raison, sachez que vous pouvez nous écrire par l'entremise de notre adresse électronique audiomatique@gmail.com. Nous vous offrons maintenant à entendre pour débuter cette prochaine séquence le groupe britannique Trans Global Underground. Thank you. Many of the uninformed consider we are nuts. Behold the staggering underground. Thank you. Audiomatique, il s'agissait du projet californien Chlorophylle et sa composition Always Sunny, qui a été ici remixée par le duo australien Arcane Trickster. On peut retrouver cette version sur l'album Retrix d'Arcane Trickster, qui regroupe des pièces de différents artistes remixées par Arcane Trickster. Et pour débuter, nous vous présentions le groupe anglais Transglobal Underground, avec qui Natasha Atlas a fait ses débuts, et la chanson Jatayu de leur deuxième album International Times, lancé en 1994. Audiomatique se poursuit sur la musique du groupe Gus Gus. Thank you. They groove with a new beat that keeps me going when I am alone. The call of the wild, the call of the wild, the call of the wild, the call of remembering nothing, boy. Do you like my tin horn, boy? Getting wet like an angel. Une séquence musicale plus techno se terminait à Audiomatic et vous aurez probablement reconnu Underworld et la pièce Born Slippery, pièce rendue mondialement connue grâce à son inclusion notamment sur la trame sonore du film Trainspotting. La version que nous avons entendue n'était toutefois pas l'originale, mais bien un remix fait par l'artiste et DJ Darren Price, qui apparaît sur la compilation Spiritual Vibes, produite par l'étiquette de disque Hypnotic. Et avant cela, c'était la formation islandaise Goose Goose et la pièce Call of the Wild, pièce apparaissant sur l'album Attention, sorti en 2002. Il sera en spectacle demain à la Place Belle de Laval. Voici à Audiomatic Thom Yorke. This is when you know. This is when you know who your real friends are. Pour clore ce segment musical à Audiomatique, nous entendions le groupe anglais Cranes et la chanson Adoration de leur troisième album Wings of Joy, paru en 1991. D'ailleurs, le dernier album studio de Cranes est déjà paru en 2008, est paru donc en 2008, déjà 10 ans, 11 ans, depuis qu'ils nous ont offert un dernier album, donc Mystère et Boule de gomme, quant à l'avenir du groupe. Et pour débuter ce segment, c'était nul autre que Thom Yorke, bien sûr chanteur de Radiohead, et sa composition Runway Away de son plus récent album solo Anima, qui est sorti en juin dernier. Rappelons que Thom Yorke sera à la place Belle à Laval demain soir pour présenter sa tournée Tomorrow's Modern Boxes. C'est le projet français West Wind qui mettra le point final à cette transmission 258 d'Audiomatique grâce à sa pièce Chant of Israel. C'est une pièce qui est tirée de l'album double intitulé Ravage. C'est avec certitude que nous nous permettons de vous affirmer qu'Audiomatique sera présenté mercredi prochain dès 17h sur les ondes du 89.1 FM. Et c'est avec assurance que nous vous informons que nos plateformes facebook.com/audiomatique/CFOU et mixcloud.com/audiomatique continuent d'archiver toutes les transmissions d'Audiomatique pour vos rages auditives soudaines. Donc pour terminer, voici West Wind et Chant of Israel. C'était Audiomatique avec les Sonoristes.